Planète Rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français juste après D-Fool dans les studios, dans le building. Monsieur Manuquet, comment va? Yeah, ça va, et toi Fred? Ça fait plaisir de te réécouter, d'entendre cool. Cette voix. Yes. Sortie du 9-4. Yeah, toujours présent. Avec DJ Krim ce soir au platine, on va passer une heure, on va beaucoup parler aussi de Carlito, qui devait passer mais qu'on a perdu, c'est toujours le secret le mieux gardé de la mafia de Tinfré. Toujours un petit empêchement, mais c'est pas grave, on est là, on représente. Et ouais, et donc ce soir une heure aussi avec des sons, aussi on va saluer évidemment la mémoire de DJ Mehdi, hein, qui a été... L'un des piliers de cette fondation de la mafia Quimfré aussi, qui nous a quitté il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Merci, ouais. Mais on repose en paix, DJ Mehdi, toujours dans notre cœur. Bon, comment va Manuquet? Moi, ça va, super, la forme, voilà. Plein de projets en cours. On bosse toujours dans la production avec mon ami DJ Ken. Voilà, on prépare une grosse compile hip-hop caribéenne qui sera début 2016, voilà. Donc début 2016, il y a eu le projet, je le disais, de Carlito aussi, hein, qui est dans les bacs depuis quelques semaines, mois maintenant. Depuis janvier. Et puis on le défend comme on peut, et voilà, on représente toujours l'impact. L'impact. On va passer plein de sons ce soir. Je sens que DJ Krim est chaud, on peut y aller. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont être contents. Réagissez avec le 41759, le hashtag Skyrock. Nocturne, Manuquet, DJ Krim au contrôle. Oui. Messieurs, je vous laisse rouler. Yes, roule Krim. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui se rappellent, c'est First. Le mal on aime, comme un chant de sirène dirige nos pas. Tu peux quitter le quartier, mais le quartier ne... Le mal on aime, comme un chant de sirène dirige nos pas. Tu peux quitter le quartier, mais le quartier ne te quitte pas. Le mal on aime, comme un chant de sirène dirige nos pas. Tu peux quitter le quartier, mais le quartier ne te quitte pas. J'ai dans le sang, cette aventure de rap en bon son. Qui peut sauver petit frère, le traumatisme est profond. Ici, si, s'il se doit que ce soit ainsi, quoi que ce soit triste et bien soit. Ce soir tu rêves et rien de plus. Dans les bons sens et sud, dis-moi quel est le bon plan. J'ai vu souffrance dans ton frère et voilà ma compagne. Bien sont des tiens et gaffe au contenu de la mallette. Séparer match chaque soir, fais le bon choix, le juste. Tu sais d'où tu viens, y'a ceux qui vont qui viennent. Là où tu vas, je vais parce que l'avion c'est sérène. Les infos se passent dans le ghetto. L'actualité en direct. 2000, First, dédicace à DJ Mehdi. On t'oublie pas, frérot. Ouais. Bienvenue sur la terre des hommes. Les richesses laissent pour vous compter les comptes du ghetto. Comme le jackpot nous fait agir comme Donny Pasco. Balade-moi en vert si je kiffe, nique la police. La marche du monde est réglée, précise comme une montre suisse. DJ Krim au platine. Ah. L'art de faire de l'art. La dictature du plus fou, le catalogue du ghetto ne laisse aucune concession. N'entends-tu pas que j'en tais, le gentiment, le gentu. N'entends-tu pas que j'en tire, y'a pas feu, y'a pas de drap. Le monde change, les Marie Curie s'envolent à l'heure de l'euro. Le rêve ricain n'est plus le leur. Bouleversant toute ma culture, conjecture, technologie. La marche aveugle du futur, ignorée dans la Tessie. C'est écrit, faut que tu plonges, au pire de mourir, tu longes les murs. Je veux pas finir à la plonge. Une vie-moi ordinaire, je veux le millésime du millénaire. Écoute les textes, c'est First. Carlito promis au mystère de la pression. J'ai le rap en vision, vision du haut, mission d'ambition. J'ai vu le jour derrière la vallée, le fleuve, la mer, le désert. Plus ma raison comme Ebenezer. J'ai commencé ma carrière loin des pistes, des groupies et des fans dingues. Fils, si tu kiffes le son, renais comme le phénix, resplendis comme la polaire. Les rêves du monde sont maudits, je le fais le son. DJ Krim, roulez. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est la nouvelle. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il reste l'un des plus gros hits de Carlito. C'est la rue cause. À la prod, DJ Mehdi. Qui m'envoie. Je suis en état de choc, les années. T'es quoi là? Ouais. Je suis en état de choc, les années. T'es quoi là? Ouais. Je suis en état de choc, les années me stop. Trace ma route. Doute de ton pouvoir, tu donnes pouvoir à tes doutes. La liberté au parloir, tu seras toujours concerné. Quand tu penses à ton futur, tu n'y penses pas qu'à moitié. Depuis maintenant, toujours, je rime. J'envie les rois. toujours vu les riches, toujours plus riches que moi. On m'avait promis au bronze, mais on veut briller comme l'or. Le meilleur dans ce que tu fais jusqu'à la fin de ta vie. J'ai des trésors de souffrance, la réussite est d'esprit. Si t'as grandi dans la zone, tu sais faire de l'argent bêtement. Mention faitement, apprends à agir sûrement. Le sens du partage, ne jamais lâcher l'affaire. Depuis le temps, on me demande où en sont mes affaires. Si je rappe ici, c'est pour mes potes, des vrais de vrais. Vrais de vrais. Je joue artiste parce que la vie c'est compliqué, gros. Orly 9-4, choisis Vitry. 9-2, tous mes potos, 9-3, 9-5. Et 7-8, on le capitaine. J'ai eu des nuits blanches et des jours gris, des jeudis noirs vides de tous les jours. L'échec est un poids trop lourd à porter. Du ghetto loin du ghetto, le monde est un grand ghetto. De ceux qui gambergent beaucoup, le monde impose son veto. Maintenant en prison, encore une raison obscure. De l'autre côté, dans les fissures de nos murs, c'est pas le système qui gagne, mais la volonté de ton cerveau. C'est caché, c'est monopole. Vise le sens du vice, ton frère meurt. J'écris des vies asile politique. Y'a plus de victimes innocentes, un verre de rang alcoolique. Là où l'amour nous réa, l'amour ne repoussera pas. Dans tous mes états, j'ai dit pardon, mais je n'oublie pas. Intellectuel, j'ai dans la presse les manuels d'école. Ici tu trouves tout, même ta pose à un peu. Le plaisir après l'effort, rien n'a changé, mon ami. No money, no money, m'a dit ami. De Miami, la rue cause, la première colle, vers Cisco, de tout ce que toi je te propose. Je prends ma pose, je prends ma pose, je prends de l'esprit. Tu rêves d'être large comme un braqueur de vie. La rue cause, la première colle, vers Cisco, de tout ce que toi je te propose. Je prends ma pose, je prends ma pose, je prends de l'esprit. Tu rêves d'être large comme un braqueur de vie. Tri, la rue cause, la première colle, Carlito Mike. DJ Cream, platine. La nocturne Skyrock avec Fred. On est Al, frère. C'est la nocturne. En effet, au contrôle de cette nocturne, monsieur Manuquet, DJ Cream au platine et ce morceau évidemment de Carlito, hein. Tu disais, les plus gros cartons de Carlito. Bien sûr. On se souvient tous en plus, du côté avant-gardiste de l'image qu'il y avait aussi, hein, sur ce clip. Ouais, ouais, ouais. C'était le seul clip par Alex Wise. Un très, très grand clip. Déjà futuriste, déjà pour les années 2000, et c'était mortel, quoi. Toi, t'as quel souvenir de l'enregistrement du morceau, de la sortie aussi du projet de Carlito, le premier où on retrouvait la rue cause? Bah, moi, j'ai comme souvenir l'enregistrement en 3 jours. Il traçait. 3 jours, ouais. Ouais, c'est ouais, c'est un mec. C'est vrai que cet album a été fait en 3 jours, ouais. Ouais, ouais, c'est un mec Carlito qui avait déjà ses textes dans la poche, et puis ça traçait, quoi. Il était enfermé avec DJ Mehdi en studio. Et voilà, ils étaient pas là pour rigoler, quoi. Ça pesait en one shot. Voilà, le morceau La Rue Cause. Il y a encore d'autres morceaux de Carlito qu'on va repasser, d'autres sons aussi signés par DJ Mehdi ce soir. C'est MK qui a pris le contrôle de la nocturne. Ouais, on est là, ouais. Avec DJ Krim, on est reparti pour une nouvelle session. Yes. Krim, de vrai. Ouais, on roule. Yes. Rappelez-vous de ça, hein. Contenu sous pression. C'était l'intro du disque. La voix du ghetto. Écoute les textes. Pour tous ceux qui roulent dans les grosses gauves. J'aurais voulu être un gangster. Yes. Faire tourner le marché noir de la DCIA. Ouais. Et sur mon argent et argent sur mes ennemis. Ouais, ouais, ils veulent être rappeurs. Rappeurs veulent être voyous. Moi, je suis Carlito. Regardez pour qu'il y en a dessous. Je dois prendre mes précautions pour pas que la misère m'entrape. Prendre du recul sur le ghetto et calmer la bédave. Je suis bon capéra. Noir causant du tort au code pénal. Faut trabattre, sinon je te mettrai tête, c'est époque. Je veux être Carlito. On dit brigand au micro. Avec et sur mon argent et argent sur les mecs chauds. Y'a ceux qui suivent dans le rap. Y'a ceux qui suivent dans la vie. Moi, je suis plus pas. Croisant mes lyrics, prends comme chaud. Les idées noires, mon quartier, la folie, mon terrain de jeu. La flag à mes compagnes, je suis l'élément le plus dangereux. 10 millions de façons de prendre des thunes, choisis-en une. Tu vends ton âme à mon son parce qu'il attire pour des brunes. Viens pas, laisse-moi, j'ai béton, j'évite la prison. La vie est chaîne et les bâtards veulent qu'elle ma mission. Je suis comme la S, prends pas de cesse. Respecte mes amis comme mes ennemis, confiance, blesse. T'apporte le mouvement dans son cercueil, voix du ghetto, l'issue. Break it down. Break it down. DJ Crime, roule, roule, roule. Écoute, écoute. AP du 113 avec Carlito. Produit par David Shear. Mec, prends zone la graine. Kiff, kiff, mec, prends zone la graine. Après, les soins d'herbe, sinon ce n'est pas la peine. Suite à tu reposer, pas rien à proposer. Je dis que c'est bien dosé, à qui veut en disposer. J'aime à rien foutre, foutre tes rêves, je lasse des tailles dans une poche. Je suis ce genre de mec à jamais su mettre sous à gauche. Habité par la monnaie, habillé par la cité. On est smooth bar en couille et en brouille, ce rec sans tarder. L'air à vif, bédo, attentif à mon téléphone. Et qu'il sonne, bro. L'heure de la carotte sonne. Aïe des keufs, j'ai pas le bord d'armes, je suis peut-être. Armée, comme la PAC, le président et les forces armées. Ma vie était plus simple, amertume, bon délire, petite colère. Fais le tour des tours, y'a plus rien à y faire. En moi service, fils, en toi service, kiff. Prends-en de la graine, trop de face abrutisse. Une nouvelle composition, une nouvelle tragédie. Je ramène le 9-4 style, son mafia qu'un fils. Kiff, mec, prends-en la graine. Kiff, kiff, mec, prends-en la graine. Kiff, mec, prends-en la graine. Après, coupe les soins d'herbe, sinon ce n'est pas la peine. C'est qui ici Carlito, brigade pour les pachas. Ici bien official en toute saison. Comme bien Free Mafia. Je suis un mec bien tombé dans les griffes du mal, bro. Il faut que je m'en sorte, la cité joue avec mon crâne, bro. Les rimes que je t'offre doivent faire grimper ma côte. Tu m'as franchi des chaînes du béton Zoulou. Je suis pas des fautes. Je me suis trop souvent offert le luxe de la pauvreté. L'enfer c'est tout un monde qui te refuse le droit d'exister. Ma rime paye n'est pas crime, j'en fais crime. Argent facile et propre jusqu'au dernier centime. Inconnu du genre célèbre, point besoin d'être célèbre. Juste soulager mon existence de trop de vaches, mec. Contre toute attente, j'en rentabilise année sombre. Gratte pour la part de la caisse comme monsieur tout le monde. J'ai de la langue de Spatard, le pen témoin de mes exploits. Kiff sur ma voix, grosse pute, ta frange m'envoie. DJ CM6, mort au dernier round. Je joue avec les esprits, posé dans l'underground. J'ai le sang froid, les balles, les mains libres, le calibre. Va pas foutre en l'air tout mon équilibre. Va pas foutre en l'air. Va pas foutre en l'air. Va pas foutre en l'air. J'ai le calibre. Mec, prends-en la graine. Kiff, kiff, mec, prends-en la graine. Kiff, kiff, mec, prends-en la graine. Après, s'il te plaît, sois bien aussi. Roule, crime. Un, 3 Écoute ça bien. De ceux qui sont Manu qui est intouchable, Carlito, OGB. Ça c'est à l'ancienne, 2000. C'était bon ça. Je me rappelle ce que je vis, mais peut-être qu'un rêve. L'amour nous a rayé de son tracé, de son parcours. Des Moines, à ce jour, le destin DRY, OGB, Carlito, MK Don. Nos rêves et nos espoirs se sont envolés en fumée. Au fond c'est pas trop compliqué, vois comme je flamboie. Le micro m'a folie et je saurai en faire mon emploi. Je connais le trottoir, son odeur à 2h du matin. Et si tu me suis bien, tu te perds bien. Je vis à l'échelle de l'homme. Après l'album, on fera la teuf. J'ai mes sens plives de popo et mes quatrièmes. Oui, comme je la sais, en faux air de compassion. Personne ne voit la mort d'aussi près que dans sa maison. Elle rit et fauche comme le direct Paris-Marseille. Le monde est mien, ventre affamé dans une oreille. 3-6-5 fois dans l'année, tu dis là. Pour cette putain de villa à Manila. La rue cause, tout comme mes sauces cause. Du VR6 cause. De tout ce que demoiselle te propose. Il est bien temps de concrétiser. Il est bien temps concrétiser. Il est bien temps concrétiser. Dans nos cités, la jalousie, on a attisé. De faire tout petit sur la musique, on a misé. Quand on voit que rien ne peut nous traumatiser. Il est bien temps concrétiser. Dans nos cités, la jalousie, on a attisé. De faire tout petit sur la musique, on a misé. Quand on voit que rien ne peut nous traumatiser. J'ai rien promis au monde. Des regrets. Personne m'a dit que le mal ne me fait aucune trait. Aujourd'hui, on vit de cette musique. Et toutes nos larmes coulent pour mes frères d'Afrique. J'en place une pour mes frères incarcérés. Dès qu'ils chez les filles sont brutalisés. Tous ces faits divers sont banalisés. Avisés, on les met, faut éviter. On me trouve froid et réservé. Issu des ghettos, demande-toi si c'est vrai. Étant chaud et énervé, garçon sans froid, bien équipé toujours. On le montre pas du doigt, la vie de cité, personne n'envie. L'envie d'inciter, ainsi dire, c'est mon avis. C'est mon avis. Il est bien temps de concrétiser. Dans nos cités, la jalousie, on a attisé. Il est bien temps de concrétiser. Dans nos cités, la jalousie, on a attisé. De faire tout petit sur la musique, on a misé. Il est bien temps concrétisé. Dans nos cités, la jalousie, on a attisé. Depuis tout petit sur la musique, on a misé. Comprends pourquoi plus rien ne peut nous traumatiser. Yes, c'est Wam, M. Keton. On vit pour le cash dans ce monde, plus rien n'est gratos. Yep. Depuis que les marmots sont tarés pour la prison parée, il faut se tenir à carreau pour pas finir KO. Yeah. Je suis des HLM, je lève mon verre à la tienne. Au nom de la mafia africaine, car notre époque est cruelle. A chacun son histoire, la mienne est un truc de fou. Ouh. Parfum du bitume, j'ai senti les mauvais coups. Tu m'as dit, il est bien temps de concrétiser. Plonger ma jeunesse dans ce truc, car pour le rap, j'ai tout misé. Tant où on se disait nos rêves et votre chose. La vie est ainsi chaîne, à t'a poussé à faire autre chose. Prends mes textes comme ils arrivent, transforme drame en poésie. L'homme est ainsi fait rempli de jalousie. Qu'un message authentique pour les frères et les sœurs. Je porte l'Afrique dans le cœur avec des chips, des voix et couleurs. Yeah. Manu qui est intouchable, Charlito, JB. Il est bien temps de concrétiser. En direct sur Sky. La nocturne avec Fred, DJ Krim en platine. Et ouais. Non, non, c'était la jalousie, on a attisé. Depuis tout petit sur la musique, on a misé. Comprends pourquoi on est traumatisé. Il est bien temps de concrétiser. Non, non, c'était la jalousie, on a attisé. Depuis tout petit sur la musique, on a misé. Comprends pourquoi on est traumatisé. 100% C'est la nocturne avec Manu qui est avec DJ Krim au contrôle et tous ceux qui aiment les classiques ils sont servis ce soir. Hein. Ah ouais. Ça fait plaisir à l'instant. Il est bien temps de concrétiser dans la nocturne 100% rap français. Manu qui est au contrôle. Yes. Est-ce qu'on peut dire un petit mot, Manu qui est, alors je sais que c'est toujours très compliqué, mais sur la mafia Quinfré, est-ce qu'on peut attendre un album ou vous avez reparlé entre vous? Bon, ou c'est pas d'actu? Bah pour l'instant c'est pas d'actu parce que bon voilà, on a enregistré plein de trucs l'année dernière et puis tout le monde est un petit peu à gauche à droite dans ses studios, dans leurs concerts. Bah pour l'instant on n'a pas rediscuté de ça, mais bon bah pour l'instant c'est en stand-by quoi, voilà. Donc ce qu'on peut trouver pour l'instant c'est Carlito, voilà, Carlito, préparation de l'album de Rimka. Je sais que Dry aussi il est sur les routes en concert avec son équipe Watibé, mais il prépare aussi un album. Et voilà, gauche à droite, Kiri fait ses shows, tout ça, de son association et tout. Et voilà, ça bosse à gauche à droite, je crois. Et puis il y a toi donc avant l'été, ton projet, c'est ça? Non, c'est pour fin d'année. Ah, fin d'année. Ouais, fin d'année. D'accord, je pensais que ça allait arriver un petit peu avant. Ouais, des singles qui vont être balancés, mais ça arrive. Donc un projet de Manuquet qui s'appellera To Become Boss par DJ Ken. Voilà. À suivre. Voilà. Le son de la nocturne 100% rap français, Manuquet, DJ Krim au contrôle, messieurs. Je crois qu'il est grand temps de concrétiser et de repartir maintenant. Yes, on y va. DJ Krim on roule. C'est reparti les frères. Tous à l'écoute. Charlito en live. Yep. Ça c'était dur. Fort. Frais. Hein. Monsieur Roff. 113, Carlito, écoute. On tire produit pas sur les ambulances, on l'imbroge sur ta plaquette. C'est le petit geste qui te sauve quand le sang te monte à la tête. Y'a pas de justice, y'a que des lois et j'en suis hors parce que je suis hors pair. Au taf c'est la misère et on te paye à coup de lance-pierre. J'ai pas la une des canards, je traîne mon boulet comme un dollar. J'ai à boire pour ta boire et j'enverrai personne au placard. C'est du lourd ça. Comme le glaive, c'est légendaire, la saga. On fait le mur à la sportive 2002, c'est qu'un prix mafia. Le scoop s'en serait mille tonnes, ça reste dans le rap. Plus de 10 ans de cabale comme François Pérez. Qui t'harcèle, qui casse ton zen. Pourtant, gros blaco souriant qui porte le Marcel. Je sur tes côtes comme un motard, mais fuck ceux qui renseignent. Tous toliés, dans la mafia on garde en scène. Sur un son, aux allures de mutinerie, dans les dortoirs de frênes. Ce son c'est la guerre. T'as la parole que se font les plus belles mises à la mode. H2Z dans la tête, celui-là qui bouge sur les ondes. Ton bardo est missé, comme à Tora Bora. Comme au WC ou à l'hôtel quand t'es mon lasse. Comme un boa, mets-toi un doa. Vas-y par toi de là, déboule à cheval. Ton village de rap pour faire la hagla. C'est chaud pour les majors et pour les indés. Parce que c'est chaud pour tout le monde, même pour les condés. Aziz du love, H1 pour des lots. R.I.M.K. Quand je loue, grave de cogneur. Tout est permis, avec les coudes, même avec les dents. Surtout les couilles, on dirait du Toddy 113. Appelle-moi misérable si tu veux. C'est pour les gens Valjean du 9-4 de mon hall. Mais qu'est-ce que tu veux gros, ça dégoûte. Mets ta robe, action friction. Comme à Hollywood ou dans l'île ta robe. Je compte en euros, juste en bail, en contre un radiateur brûlant. Charlie toi brigolte. Roule pas des épaules mon pote, mets la main sur couplet. On t'a fait une fleur, on loue un bouquet dans la foulée. Un grec frite dans le beat, avec mon équipe de foot. Rien à foutre, on a la coupe et on met le cap à des coups. Patron de club comme nanar, les regards durs comme la veste. On contrôle ses Carlito avec oui. Voilà. Hein. Qui n'a pas connu ce morceau? Pour ceux, Mafia Capri, le plus gros tube. Pour ceux, foutez le boxon, roule crime. On est

Ah, ça régale de réécouter ces morceaux aussi sur Skyrock. Ce soir dans la nocturne, Manuqué. Yeah, ça rappelle des bons vieux temps, ça rappelle des super anecdotes, c'était mortel, c'était une époque. Bah, par exemple, t'as un souvenir, toi, de l'enregistrement de ce morceau? Pas spécialement. Ou alors peut-être le fameux Pour ceux, quoi, qui reste quand même. Ah, le plus gros classique de la mafia, ouais. Pour ceux, c'était, moi, l'instru, c'était fait par Jacques, qui habite à Jacques Cartier, un gars de notre quartier. Il l'a ramené, puis Rof avait fait le refrain dessus. Et puis ça s'est fait spontanément. Tout le monde avait posé un 12 mesures. Et voilà, c'est devenu un très très gros classique. Il y a eu le clip aussi, pareil, hein, qui a engendré plein d'autres clips comme Pour ceux. Exactement, voilà, c'est le clip fait par Romain Gavras. Et à l'époque, voilà, on est parti bien avec, ouais. Voilà, une petite caméra comme ça emballée dans un quartier, dans deux quartiers, trois quartiers. Et puis voilà, et toute la France nous a suivis grâce à ça. Il paraît d'ailleurs que le tournage aussi a été mouvementé parfois sur Pour ceux. Ah ouais, les tournages arrêtés par la police, repris 2 heures après. Et voilà, c'était vraiment un bon moment. On va repartir pour une nouvelle session. On va aller se plonger sur l'album de Carlito qui est sorti, c'est ça, non? Voilà, on va se plonger sur Impact, sorti en janvier, 12 janvier 2015. Et puis voilà, nouvelle sélection. Et puis on va parler un peu de ça, la fraîcheur, ce qui arrive très prochainement. Donc voilà. Allez, au platine, DJ Krim, c'est reparti pour une nouvelle session. Aïe, aïe, aïe. Nouvel album, Impact, Undercover, produit par DJ Krim. Undercover. Comme les noirs, j'bosse deux fois plus. Normal si j'suis coté à l'Argus. À force, on sent même plus les coups dans le plexus. Sale gosse de la rue, j'ai du goudron sous les pompes. J'fais les comptes sous la gabardine en pompe. J'rêve plus la nuit. J'fais des cauchemars chelous. J'revois tous ces bâtards qu'on appelle Zoulou. La routine, ses réseaux, ses coups de marteau dans le crâne. Le bruit des barreaux de prison fleurifane. La cocaïne sous cellophane. L'estomac peut péter pour un G. Paris c'est boulevard, métro aérien et tous ces galériens. Ils nous sous-estiment comme si on valait rien. Ils ont rien compris, moi je suis dans la légende. Avec du vice, des tournevis, je vais entreprendre. Tout reprendre, des souvenirs de mioche. La gangrène du quartier, le courage. Mieux que l'argent comme dit Youssef. La rage à tous les étages, on crève les gangsters. Habitués au rodéo, ces images tout au fond du collège. Les sales bandes de négros. Elle est où elle est, regarde, j'ai pas l'énergie pour ça. Les flammes dans le fond des yeux, c'est l'animal qui vit en moi. C'est tous les jours que ça joue, on met l'oseille de côté. Échec, c'est toutes ces conneries difficiles à digérer. Prenez la l'air, gagez pas l'énergie pour ça. Charlito, dans le fond des yeux, c'est l'animal. Undercover. C'est tous les jours que ça joue, on met l'oseille de côté. Échec, c'est toutes ces conneries difficiles à digérer. Un chien habitué à mort, je finirai le coup au bout d'une corde. Déposer les armes impossibles, j'ai aucun remords. 2014, c'est un temps fort, marqué au fer, pas envie de sourire. Le destin, c'est le destin, ici personne choisit de mourir. J'ai pas d'idole, je veux du pétrole, du carbu, lunettes noires, bonnet, parfois schizophrène, barbu. J'suis enfant de la jungle, dingue, j'fais les choses au naturel, j'suis né au bled en Afrique. J'ai ma vision personnelle du truc. On ment aux triches pour des thunes ou pour des bitches. Sans pitié, on fuck les potos qu'on switch. On se la fait peinard, méprise le code pénal. La débrouille, c'est le label, on compte sa faire belle. Vénard, vénal, gratuit, comme la méchanceté. Mettre côté avant d'être boycotté. Above de l'eau, des milliers qui follow. Tu veux compter, et si la vie est moche, autant vivre la tête sous l'eau. Ouais, si t'es pas de mon avis, frérot, va fond coulo. René, ouais, l'air, gars, j'ai pas l'énergie pour ça. Les flammes dans le fond des yeux, c'est l'animal qui vit en moi. C'est tous les jours que ça joue, on met l'oseille de côté. Échec, c'est toutes ces conneries difficiles à digérer. René, ouais, l'air, gars, j'ai pas l'énergie pour ça. Les flammes dans le fond des yeux, c'est nouvel l'animal album qui vit en moi. Impact, les dans les battes. On met l'oseille de côté. Échec, c'est toutes ces conneries difficiles à digérer. Yeah. Yeah. DJ Krim en platine. Envoie le nouveau son. Roule. Out in the street, they call it murder. Yeah. Featuring Rav D. C'est le nouvel album. Impact. Call it a Rav D on a groovy track again. Yeah. Get a youth. Yeah. Les années passent, on prend du beat. Selon la cave, rue mafia, c'était horrible. Congo Brazza dans les veines, j'y pense parfois et j'ai pas sommeil. J'ai la coupe afro, elle bave sur nous, la voisine, la vieille Mireille. Toujours des propos chelous, je suis jeune et fougueux. Dieu merci, je suis pas en condit. J'ai 13 balais et je répète les chansons d'Alpha Blondie. Travailler c'est trop dur, pour les c'est pas bon. On cherche des petits boulots dans les caves. Tape des vélos, sans mettre la coste, t'es à la mode. La KRA c'est le code, avec Guy Franche et Tati, on faisait les sols. Le 500, hein. On est méchant à la dégaine, ça se ressent. On parle fort, parfois vulgaire comme Francky Vincent. J'écris des lignes comme les zonards. On joue avocat, four et crash, v'là les molars. À peine majeur, depuis le début ça sent l'arnaque. Population amputée, mais qui sont les députés? Écoute. We have to fight. Be the truth, never tell a lie. Living in the block, you know it's hard to survive. Rough D, all is out. We have to fight. Be the truth, we never tell a lie. Living in the block, you know it's hard to survive. But still, you know we're gonna rule. L'adolescence, on enchaîne les conneries. Michael Jackson est au top et on découvre la funky. Toujours le bleu dans les yeux pour cette jeunesse qui nous concerne. Le blues et racaille, cette époque nous a conquis. Les mains vides, mais la tête pleine du déjà. La police à nos trousses. On écoute Bob Marley à fond, on n'a pas la frousse. La Caraïbe, l'amitié pour un casse-dalle. C'est du Sonic, des grands fous avec des grands locks sur des bolides. Un plan pourri pour un week-end à Amsterdam. C'était la belle vie dans ma chambre. J'ai gardé un poster de Bruce Lee. J'entends le bruit des mitraillettes à l'autre bout du monde. On dit que c'est la vie, mais sur la planète ça fait désordre. Bref, les premiers joints en cachette, premier amour aux fossettes. À la première occasion, fait glisser la braguette. T'inquiète, t'inquiète. Mon vrai qu'est dans la rue, c'était bad. J'avoue, c'est vrai, le cas où est dans les chaussettes, ça fait écoute. Bad. Said we live the 100 life like we could never die. But when real things start popping hood, who's gonna ride? Cause we original funky. Mm-hmm. In the streets we keep it grooving. Call it a rough day on the track. We ain't afraid of anything at all. Sing it to youths, we have to fight. We the truth, never tell a lie. Living in the block, you know it's hard to survive. But still we gon' ride. It's a youths, we have to fight. We the truth, we never tell a lie. Living in the block, you know it's hard to survive, but still, you know we gon' ride. Get the youth, Charlie Toe featuring Ruff G. Yeah, Henri Zou, 94. Yeah, Reggae Night. Au contrôle, Manuquet au micro, la Nocturne avec du son de Carlito, beaucoup de son de Carlito ce soir. Yes. Et là, on est parti sur le nouvel album de Carlito, hein. Impact. Ouais, exactement. On a écouté d'abord Undercover, produit par DJ Crime. Ouais, voilà. Ici même. Voilà. Et puis le second morceau, c'est un morceau qui s'appelle Ghetto Youth avec en featuring Ruff D, un gars de chez nous qui habite dans le 94. Voilà, et la musique produite par Cheyem, un gars de Vitry-sur-Seine. Voilà, donc nouvel album qui est sorti là début janvier, hein, pour Carlito. Comment exactement. T'expliques-toi cette longueur, ce temps pour faire cet album, lui qui avait enregistré le premier en 3 jours? Voilà. Carlito, c'est un éternel voyageur, voilà, il explore plein de trucs, et puis bon, voilà, il a fait une petite disparition, et puis Et là, ce soir, il disparaît encore? Encore, mais il est toujours là. Moi, je l'ai toujours au téléphone, ça va, il est là. Il se maintient, il est secret, mais il taffe. Donc c'est quoi, besoin de vivre avant de faire de la musique, avant de faire du son, c'est... Voilà, il y a des trucs un peu plus impératifs que d'autres, et puis voilà, il prend son temps, un coup il est là, un coup il est pas là, voilà. Bon, celui-ci, cet album, il a été fait en combien de jours alors? Parce que le premier était en 3 jours. Bah, celui-là, bah, on a réuni les prods, il avait envie de bosser un peu, DJ Crime nous a ramené des prods, quelques prods, et puis on est parti au studio, on est resté tout et pour tout, allez, un mois en studio, prise mix. Et ça y est, c'est dans les bacs. Voilà, c'est dans les bacs. On peut le télécharger légalement aussi, hein. On le trouve un peu partout sur toutes les plateformes. Voilà, Carlito Impact officiel. Carlito. Allez, on est reparti pour une nouvelle session de son de Carlito. Yes. DJ Krim. Manu. Allez, c'est parti. À la Kiss. Carlito. Featuring DRY. à la kiss. Ouais gros. À la kiss, toujours posé dans le fond. À la kiss, à la produit kiss. Produit par DJ Ken. Je vais pas te faire un combo pour un verre de grenadine. Y'a Dry en featuring pour un putain de million. De toute façon, tu me connais, je prends ça comme un jeu. Cosse là sur la chemise, je danse comme un vieux. J'ai tout dans le crâne, décidé à faire du bruit. Calito, c'est trop cher, même pour les Qataris. Je suis dégueulasse comme la bouffe de la cantine. C'est comme ça la douche vient, la misère c'est ma copine. Tant que c'est du lourd, le bon son c'est ma démarche. Les bombes se battent, j'ai des boutons sur ma ganache. Viens au quartier pour un rien, ça se castagne. Une meuf, un billet ou une part de lasagne. Tout le monde est en condi, ouais. Les thunes on brandit. Sans ouais. Emploi, mais on brûle des Porsche. Écoute. On fait la fierté des parents et celle du zoo. Ah. Fais que t'es mon car nous on vient d'en dessous. 9-4. Faites place si vous êtes sur notre route. Faites place si tu veux pas que tu joues. On fait la fierté des parents et celle du zoo. Fais que t'es mon car nous on vient d'en dessous. Faites place si vous êtes sur notre route. Place, si tu veux pas qu'on s'enlise dans le vice comme on glisse pour les poufs négro. Certains se paralysent pour des zouz ou un 12 les gros. Bras ici sont des manchots car le poids ne fait pas l'homme. Faut que tous ces fachos qui nous voient comme agents. D'hommes bien décidés à prendre ce qui nous est dû. On se fait tout un ciné pour craille comme nos élus donc. Ça brinque plus les BICS. Aujourd'hui nous on se contente que des BACS. La qualité reste donc on kick sale négro. La vérité blesse donc on parle cash. Nos mots sont lourds comme nos broliques, durs comme nos chroniques. Mafia africaine, homicide, radiophonique. Je suis le choléra des colériques, donc fuyez-moi. Si l'alcool me monte au nez, c'est mieux, suivez-moi. Yeah. Je suis l'agent Smith dans le pleur à moi, tu me vois partout. Et pour m'arrêter, il te faudra plus que des cartouches. Nous on fait la fierté des parents et celle du zoo. Faites que t'es mon car nous on vient d'en dessous. Faites place si vous êtes sur notre route. Faites place si tu veux pas qu'on shoot. Nous on fait la fierté des parents et celle du zoo. Faites que t'es mon car nous on vient d'en dessous. Faites place si vous êtes sur notre route. Faites place si tu veux pas. C'est dans le son qu'on a fait nos premiers pas, pas de chance, mais on fonce quand même. Nombreux sont les problèmes, on les règle quand même. J'ai vite fait le choix, business et familial, catégorie des lourds. Plus on gagne, plus on savoure. À la kiss, c'est notre gastos de tous les jours. À la kiss, y'a rien de gratos, sors la tête du volcan. Carlito n'a pas d'idole. Un peu parano, compte tes erreurs comme à l'école. Chaud bouillant comme ces troupes qui partent en guerre. 10 000 watts, des watts, ça déboîte tous les concerts. Rien que des loups, je me suis fait beau, j'ai mis un costard. Même quand on est frais, on reste grillé comme nous on fait la fierté des parents et celle du zoo. Fais que t'es mon car nous on vient d'en dessous. Faites place si vous êtes sur notre route. Faites place si tu veux pas qu'on shoot. Nous on fait la fierté des parents et celle du zoo. Fais que t'es mon car nous on vient d'en dessous. Faites place si vous êtes sur notre route. Faites place si tu veux pas qu'on shoot. Yeah. Pull up clip. Alors écoute ça, pour tous les mecs à l'ancienne, les breakers, High Porker, ça c'est Oné, produit, Ego, roule. Ego, Ego. Chauffez, chauffez, chauffez, chauffez. Nouvel album à part. Charlito, DJ Crime platine. Prends un baby baby, ici c'est cassos pour la vie. Tu passes de la cave au prince de la ville. On fait la différence, yeah. On aime pas ton style. Tu putes la gueule, avale une pastille. Tranquille, on kill, on kill. On veut des kilos, kilos. Recule, avance, recule. T'es bonne comme Gino. Si je te racole à vélo, quand ça se termine à télo. Me raconte pas ta vie, j'ai pas le temps. T'es une mytho comme la météo. Pute, pute, j'ai marqué le péno. Comme Ribéry, Benzema, Ben Arfa et Govou. 9-4, 2001, zou, préparez-vous. Sortie de garde à vue, le quartier au garde à vous. Allez, allez, allez, parlez, parlez, parlez. Ha, ha, ha, vous faites marrer, marrer, marrer. Allez, allez, allez, parlez, parlez, parlez. Trop de bla, bla, bla, jette-toi au marrer, marrer, marrer. Allez, allez, allez, parlez, parlez, parlez. Ha, ha, ha, vous faites marrer, marrer, marrer. Allez, allez, allez, parlez, parlez, parlez. Trop de bla, bla, bla, jette-toi au marrer, marrer, marrer. Ça le fait du moment que ça me plaît. Ce que tu me disais de faire en 2011, je l'ai fait en 91. Si tu te reconnais, puis tu te reconnais, mais personne te connaît. T'es connu, gogol. Je viens de là-bas, cherche-moi pas, tu me connais pas. Personne te connaît, un coup de crosse dans le crâne. Ego, tu crames ta voiture, elle crame. Piqué, piqué, piqué, piqué, piqué, piqué, piqué, bye bye, génération, on s'en jaille. Sur Vest Bécane, on débarque au festival de Cannes. On sort les jerrycans, rien que Darikan. Kaya, on acclame le 9-4, on réclame. Trop de blabla, blabla, blabla, blabla, blabla, blabla, blabla, blabla, blabla, blabla, DJ Crime. On dit y'a walou, walou, walou, walou, y'a rien, cousin, y'a rien cousin. On dit ya walou walou walou walou. Y'a rien cousin. Y'a rien cousin. Encore. On dit ya walou walou walou walou walou. Y'a rien cousin. Y'a rien cousin. On dit ya walou walou walou walou walou. Y'a rien cousin. Y'a rien cousin. On tient les murs, on joue notre rôle quand on a bu. Au micro, on en fait trop, y'en a beaucoup qui abusent. Dehors, on a vécu, au bâtard, survécu pour nous. Y'avait pas de goûter avec du lait et des petits lus. Mon quartier du haut de gamme, comme le coin où t'as grandi. Le zoo! En mode baron, en mode gentil. Y'a du sky dans mon verre, des tonnes sur mes haltères. Ce que je fais, c'est de l'art. Même si ça en a pas l'air. Des haters, j'en ai vu et j'en vois. Soigne ton apparence parce que c'est ce que les gens voient. J'ai des potos qui soutiennent, on a tous le même problème. Faire du bif avant la quarantaine. Ouh. Allez, allez, allez, parlez, parlez, parlez. Vous faites marrer, marrer, marrer. Allez, allez, allez, parlez, parlez, parlez. Ego, Charlito, l'album s'appelle Impact. Allez, allez, allez, parlez, parlez, parlez. Vous faites marrer, marrer, marrer. Allez, allez, allez, parlez, parlez, parlez. Trop de blablabla, bla, bla. Jette-toi au marrer, marrer, marrer. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Chaudé. C'est la nocturne avec Manu Kay au contrôle. DJ Krim est au platine et vous l'entendez des extraits de l'album Impact. Yes. De Carlito qui est dans les bacs depuis le mois de janvier avec Manu Kay pour en parler, les prods et les morceaux qu'on a écoutés, Manu. Voilà, celui-là c'est un morceau qui s'appelle Ego, produit par un mec de Paris qui s'appelle Oné. Et voilà un morceau très très chaud pour les breakers, les hype rockers, ceux qui se rappellent de la bonne époque. Voilà. À l'instant c'était extrait d'Impact, on va continuer sur Skyrock, c'est une dernière sélection, c'est ça hein. Ouais ouais. Petite dernière sélection, encore deux morceaux avant de se dire au revoir et de parler aussi encore un petit peu du projet de Carlito Impact qui est dans les bacs et qu'on peut télécharger légalement aussi, je le rappelle. Yes. On est reparti. Bon Grim, t'es prêt? Allez, on roule. Allez, écoute. Ce morceau s'appelle Le Zoo. Écoutez les paroles, hein. Écoutez. Banlieusard. Et tonton, y'a rien à faire, les affaires, c'est les affaires, vaut mieux qu'on tempère. La prison c'est un boucan tout le temps dans le mauvais camp. La loi plus d'oreilles, mon rey. Le karma, une pourriture, un cahier, c'est ma nature. Bricolé, baroudé, carotté, bang bang sans relâche. Nombreux comme les calaches, on se tient à distance des lâches. C'est ce que je fais dans la vie à l'ancienne. Comme on opprime, on retranche. V'là les amis et rajoute des ennemis. Je fais le tour des bâtiments, v'là la galère. Un basket sur le ciment, ça dégénère au carper. Y'a que la violence qu'on récupère. Orly le zoo, ville dans la boue. Plusieurs coups aux famas, les réformés au service veulent s'envoler pour Damas. Des millions cachés dans les baloches, putain c'est moche. Les petits font du ski toute l'année, c'est piste blanche. Je suis à mon compte, je fais que du black comme dans la cave, aucune des griffes. Quand c'est les chiffres qui parlent, les Bahamas c'est pas un dream. Pour une banquette, ça fait un drame, fuck les lois profond. Avec 15 doigts, je suis pas un fils de pute et ça se voit. Je regrette, ça manque, la demi-lune. La demi-lune. La une, le bitume et ma plume. Les rancunes, pour pas une thune. Chin-chin, sur un air de Gifon. Les quartiers chaotiques, le voisinage horrifié qu'appellent les flics. Chef funérailles, c'est malheureux. Ma vie, c'est comme du lait sur le feu. Vise un peu, les valeureuses brisent entre eux. C'est pas un jeu, je dis rien, je dis tout. Je dis rien du tout. Le potage a un sale goût. Je suis posé, ça fait tic-tac. Mon cerveau bout. Chaque pourriture se plante comme dans la nourriture. Ici, tout est sec, une armée d'insectes. On cherche un job à plein temps, un petit braco au printemps, un petit tapin en canse-va, un 8-3, changement de climat, dis pas que j'ai changé. La pression est toujours hal, la cause toujours la même, on compte plus les problèmes dans nos HLM. À deux doigts de foutre le sbeul, la tête dans les chats, on piche que dalle, t'étonnes pas que je sois devenu un marginal. Excusez la grossièreté. Salut Tommy. Cire plus les chaussures, Billy. Quoi? Cire plus les chaussures, ça fait un bail que t'es parti, peut-être qu'on a oublié de te le dire, c'est fini, cire plus les pompes. C'est pas facile, c'est pas haut et fragile. Et pourquoi on s'assassine? Vivre zoo. Raconte l'amertume, le jeune dans la merde, noyé par la fume. Yeah. Vivre zoo, c'est pas facile. Dédicacé à Dominique Zou, 94-310. Mais Zou dans le lit. Aïe. Raconte l'amertume, le jeune dans la merde, noyé par la fume, par la fume, par la fume. Raconte l'amertume, le jeune dans la merde, raconte l'amertume, la merde. Le zoo. Yeah. Pour finir, pull up, passe à un crime. Yeah, je voulais dédicacer ce morceau, mon cher regretté frère DJ Mehdi, parce que sur le premier album, il avait fait un morceau qui s'appelle Estelle, et on a voulu reprendre un peu le même concept, celui-là s'appelle Victoria et est dédicacé à DJ Mehdi. Et voilà. Oh. Yeah frère. Écoutez les paroles. Cet amour du ghetto. Avec la plume de Charlito. Y'a pas moyen qu'on stoppe, on va sneaker pour un plasma du pilon. Pour faire fortune dans le réseau, impressionner des petits lots en vrai. Je m'en bats les couilles moi, je connais rien, je suis un chien. Le love j'en ai qu'un, passe sous des histoires sans lendemain. Et parfois, on fait des fautes et blesse sans raison. Un pas devant l'autre, on noie son chagrin dans la boisson. Chaque jour qui passe nous rapproche du rendez-vous avec la mort. Y'a que pour mon sang que je passe mon temps à creuser et chercher de l'or. Comme des ordures à délester, je lâche des mots, du son de langue. T'as bien raison de me détester, pourquoi applaudir un cancre? On cache nos peurs sous l'oseille, remercie l'éternel. La loi du plus fort célébrée, sélection naturelle. J'aimerais décrire autre chose que cette vie. Partir en ayant vu autre chose que cette vie. Loin de tout ça, je pourrais enfin marquer une pause. Je serais enfin seul, je pourrais penser à autre chose. J'aimerais décrire autre chose que cette ville. Partir en ayant vu autre chose que cette ville. C'est Victoria. Loin de tout ça, je pourrais enfin marquer une pause. Émotion, rendez-vous. Je serais enfin seul, je pourrais penser à autre chose. Notre univers, un terrain, jeu, un ballon, un abribus. Mon petit gars, construis ton futur, la thune. C'est juste bonus, la misère refait toujours surface et c'est mauvais signe. Je donne pas de leçons de morale, ce que je pense, je le dis haut et fort comme une chorale. Paris c'est pas un jeu, l'école c'est vital. Nous on a sauté dans le premier train, sans place assise et sans frein. N'écoute pas les faux, ils disent, souvent v'là les bêtises. Faut faire simple comme nos parents. Et si la vie te sourit, contente-toi d'être brillant. Locataire, accroche-toi à tes rêves et fuck les ondits. Les peurs de personne, à part du srôle et des zombies. J'aimerais décrire autre chose que cette vie. Partir en ayant vu autre chose que cette ville. Loin de tout ça, je pourrais enfin marquer une pause. Je serais enfin seul, je pourrais penser à autre chose. J'aimerais décrire autre chose que cette vie. Partir en ayant vu autre chose que cette ville. Loin de tout ça, je pourrais enfin marquer une pause. Je serais enfin seul, je pourrais penser à autre chose. Carlito, dis-moi un jour, t'as pas envie de partir d'ici? Entre business et coups tordus, tu fais ta vie, les trottoirs du 9-4, c'est comme Gotham City, on n'est pas tous des bandits, mais on a grandi ici, des pages, j'en ai sali, assis à la Tesla, j'en ai marre de la console, j'attends après personne, putain, je dois faire du chiffre sur le shit que tu consommes, d'oseille pour exister, du courage pour résister, c'est au quartier que je t'invite, au culot faut insister, obligé de nager le crawl pour pas finir en tôle, dans la galère jusqu'au cou, mortel, faut les épaules, des larmes ont coulé sous les ponts, j'ai pas grandi dans le coton, on est plus loin de la réussite que de la case, prison, la journée s'annonce difficile, dehors que des missiles. Faut que je bosse vénère, faut pas finir à l'usine. La rue m'aura à l'usure, je regarde ma vie dans les yeux, je vois les choses en grand. Dans le cassé des bâtiments. J'aimerais décrire autre chose que cette vie. Partir en ayant vu autre chose que cette ville. Loin de tout ça, je pourrais enfin marquer une pause. serai enfin seul, je pourrais penser à autre chose. J'aimerais t'écrire autre chose que cette vie, partir en ayant vu autre chose que cette ville. Loin de tout ça, je pourrais enfin marquer une pause. Je serai enfin seul, je pourrais penser à autre chose. Yeah, Victoria, repose en paix, DJ Mehdi. L'art de faire de l'art. Yes. La nocturne à l'instant avec ce morceau qu'on retrouve sur l'album de Carlito. Morceau, voilà, un petit clin d'œil au premier aussi, hein, ce que tu disais. Ouais, exactement. Manuquet. Le morceau, il y avait un morceau sur le premier qui s'appelait Estelle et celui-ci Victoria. Merci pour cette belle nocturne en tout cas. Bah, merci à toi Fred, ça fait plaisir de revenir ici et passer des morceaux à l'ancienne, des nouveautés. Et voilà, on représente encore toujours ce hip-hop. Bon, la prochaine fois tu viens Carlito. Ouais, on va essayer. Un de ces quatre, merci à Krim qui a bien ambiancé, qui a défoncé sur les mix, qui était là avec nous. On va rappeler deux, trois petites choses. Poursuivre Manuquet, poursuivre l'actu aussi. Ouais, ben voilà, ben toute l'équipe de Mafia doit être en studio, c'est-à-dire Rimka, DRY et puis OGB, je pense. Thierry toujours en tournée, et puis moi je suis sur l'album de DJ Ken, To Become Boss, qui sera prévu fin d'année 2015, début 2016. Et puis on te suit sur les réseaux sociaux aussi, hein, c'est exact, ça? Exact, ouais, voilà. Il y a le MK officiel, non? MK officiel ou MK Don, voilà, vous me retrouvez sur Facebook tranquillement. Et DJ Krim officiel aussi, hein, pour avoir toutes les actus. De DJ Krim qui a produit aussi, hein, sur le son, certains sons aussi sur l'album. Voilà, trois sons dans l'album et voilà tout. Quatre. Ah, il fait signe, quatre. Ok, bah, quatre. Allez, on l'accorde. Le quatrième. Bon, merci en tout cas à vous tous. Merci à toi. On attend la suite évidemment et le retour de Manuquet aussi, ce sera pour la fin de l'année. Yes. Et passez une bonne soirée, la nocturne qui continue maintenant. 100% rap français. Ciao. Planète rap. 100% rap français. Allez, c'est reparti pour le son de la nocturne. 100% rap français, exclu pour la nocturne, Monsieur Furtif. Furtif, 762, exclusivité, c'est ça nous vient de Boulogne. C'est chaud dans la ville, tout le monde est indécis. J'ai fait des choses dans ma vie souvent d'imbécile. Ferme un peu ta chatte portée par deux missiles. Un œuf dans chaque pièce de mon domicile. Tu piges le placard pour un homicide. Trop vaillant pour se porter sur le suicide. Laisse aucune empreinte arrachée à l'acide. Tu biffes ta grand-mère et ta cousine. Tu biffes ta grand-mère et ta cousine. Je bosse comme un chinois, je bosse comme à l'usine. Bouteille de vodka, bloc de résine. MP3 de guerre, micro-usine. Putain chef de guerre, comme en Russie. Travaille les haltères, travaille comme Lucie. Fanny qui est ta mère, c'est le square ici. Fanny qui était mort, on pète le score ici. Rafale dans ton pit si tu connais. Marche avec des quilles, je marche avec gros bonnet. Par ma poids dans le vide, mon heure a sonné. Par moi en liquide, par ma grosse monnaie. Gros joint de bœuf, j'ai un peu de paille. Mère toute bleue, où tu veux que j'aille. J'ai pas besoin de faire mes bails. 7,62, la taille de mes balles. C'est chaud dans la ville, bah ouais m'aurai. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. 7,62, calage d'oreille. 7,62, calage d'oreille. 7,62, calage d'oreille. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. C'est chaud dans la ville, bah ouais m'aurai. C'est chaud dans la ville, bah ouais m'aurai. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. 7,62, calage d'oreille. 7,62, calage d'oreille. 7,62, calage d'oreille. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. C'est chaud dans la ville. Exo touché précis, version réelle de celle d'ici. SM, Scud, Samoud, Thomas. 11-43 collé à l'estomac. Cuco, Jean Hart, placard, coma. Balance, fuyard, bâtard, trauma. Cagoule, capuche, ganté, trou noir. Équipe Bresson reprend pouvoir. C'est chaud dans la vie, tout le monde s'en bat les reins. On veut le bif, tu fais ta le bif du terrain. Punition expéditive sur un R1. Missile exocète d'un sous-marin. 9 mm dans la perte de boutin. 6 mm, laisse ça au putain. 7,62 mon premier hit urbain. 11,43 je vais au turbin. Au joint de shit, lunettes Versace. Je fais du chiffre, ils font que tu cartes. Ta maman sniff, je fais la dépanner. Qu'à l'âge renifle, aucun épargné. Si vous baisse, depuis des années. Du bif, du baisse, des grandes chaînes d'années. Pas de pute, pas de yes, ta main sombre à ramer. Du shit, la cesse, dans nos sombres allées. C'est chaud dans la ville, bah ouais m'aurai. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. 7,62, calage d'oreille. 7,62, calage d'oreille. 7,62, calage d'oreille. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. C'est chaud dans la ville, bah ouais m'aurai. C'est chaud dans la ville, bah ouais m'aurai. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. 7,62, calage d'oreille. 7,62, calage d'oreille. 7,62, calage d'oreille. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. C'est chaud dans la ville, bah ouais m'aurai. Furtif exclu pour la nocturne à l'instant. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Il débarque lundi dans Planète Rap et toute la semaine entre 20h et 21h nous présenter Perestroïka, l'album de Dossé. Maintenant, un morceau hors série, 30 millions d'ennemis dans la nocturne. Et loupez pas dès lundi, 20h, 21h et toute la semaine, Dossé pour la nocturne. Font blernir tous ces pieds de porte plainte. Un ange à l'épaule droite, deux sur l'épaule de gauche. Je suis posé au quad, attendre que la mort me fauche. 30 millions d'ennemis, mais zéro crainte. Tous ces pieds de font blernir tous ces pieds de porte plainte. Yuri par ci, Yuri par là. Je vais lui faire ci, je vais lui faire ça. Mon prix pour un gentil scar là. Qu'il ne mette pas le zen dans mes fers ça. Ils espèrent que je flotte exactement dans les studs. Mais en face vont-ils assumer? Assumer, assumer. Lequel de ces fils de pute va-t-il falloir fumer? Deux, trois soldats postichés. Outillés, outillés, obligés. Trop de ciné, trop de clichés. Je vous ai tous tricards, tous fichés. Comme Tony Montana, je suis paranoïaque. Nique ta mère la pute, ton cœur n'est pas pur. C'est ce que me dit l'ammoniaque. Quand je partirai de là, je lèguerai mon corps à la science. Que les chercheurs de la zone 51 puissent déterminer le code génétique de la puissance. J'ai plus envie de rire, même à des funérailles pas. Cru et hardcore, tellement dans le turfu qu'en vérité je suis déjà mort. Quand j'ai v'là le monsieur, je dis pas, je fume pas, te pas, te. Pour me détendre, je demanderai rien d'autre que me faire ses yeux par une boîte fumeux, boîte fumeux. Boîte fumeux, boîte fumeux. Pire, sacre bleu, sacre bleu. 16 mars dans les VK, c'est Perestro IK. V'là le monsieur, v'là le monsieur. Un ange à l'épaule droite, deux sur l'épaule de gauche. Je suis posé au quad, attendre que la mort me fauche. 30 millions d'ennemis, mais zéro crainte. Tous ces pédés font blernir, tous ces pédés portent plainte. Un ange à l'épaule droite, deux sur l'épaule de gauche. Je suis posé au quad, attendre que la mort me fauche. 30 millions d'ennemis, mais zéro crainte. Tous ces pédés font blernir, tous ces pédés portent plainte. Un, deux, c'est la famine. Yuri, Perestroïka, 16 mars. Des gens en précommande. Va le chercher. Va le chercher, va le chercher. La Planète Rap sur Skyrock. Une spéciale dédicace à Bakar. Daybreak, c'est ce qu'on écoute maintenant. Grosse, grosse dédicace à Bakar. Match, je me lève, la tête lourde pour pas me faire tricard. Je cache mon sac, je vais ce qu'il est court. Comme d'hab, j'ai le barreau matinal. Après de sortie du pieu, je roule un petit spliff amical. Me reste du temps avant mon rencard. J'ouvre la fenêtre et les volets, je vois que le temps est bancal. Une petite douche, un coup de rasoir. Et puis merde, pas le temps de refaire la boule à 7, je ferai ça plus tard. Je descends les marches de chez moi, tranquille. Y'a une vieille qui remonte ses courses à la main. Je m'en fous, je l'esquive. Mon pote Moussa me prend en gauve. Au pied du bat, on va se prendre un petit carreau au PMU d'en face. S'il te plaît. Un coup de fer retentit, ça pue les histoires à plein nez, viens on se casse d'ici. A plus refrain, je m'arrache et prends le taxi. J'ai RTV sur les champs pour un passe-passe où je prends Yébi. Dans ma poche, mon Black B vibre. Je décroche, c'est mon rencard de midi et demi. Alors mon pote, j'suis déjà là, j'ai pris un peu les devants. J'compte sur toi, ça vient à l'air, faut que j'ai très peu de temps.

Mon identité, j'essaie de faire le pas, on écrase mon humanité. Lorsque j'essaie de faire le point, intègre-toi. Oublie tes cultes et ferme ta gueule. Comme dit Ahmad, l'important c'est pas la chute, c'est la terre d'accueil. J'ai de l'orgueil, je me méfie des compliments. Je suis en deuil, j'attends le prochain défi de mon continent. Et l'ignorance devient un obstacle. J'ai vu des plans, visiter Gorée, repartir avec des cartes postales. Des loups en costard, immunité. Tu veux savoir qui te dirige, regarde tous ceux que tu ne peux pas critiquer. J'ai un kické quand ça trafique mal. La France-Afrique, quand il pleut à Paris, on est mouillé en Afrique noire. La vie de moi, je lâche des frappes vocales. Si l'album s'appelle Négritude, c'est sûrement de la faute de Jacques Foccart. Les vestiges qu'on arbore loin des coups de gueule. J'ai pas besoin qu'on me commémore, je me commémore tout seul. Un, et je perds le contrôle. Yeah, yeah, perdu dans ces grandes zones. Un, mon grand rôle. Yeah, yeah, pharaon ou fantôme. Yeah, yeah, petite et grande cause. Misère et place Vendôme. Yeah, yeah, roi et reine sans trône. Un, pharaon et fantôme. La France ne comprend pas l'Afrique. Il ne comprend pas qu'elle la comprenne. Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement simplement effacée? En battant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Planète rap 100% rap français. What else? Sors pas avec un Congolais ou Zaïrois. Tu risques d'être colonisé comme Kerry Wilson. Demande à Serge Ibaka. Mes oreilles, c'est de gauche à droite, j'entends qu'on dit Nyama, Simbiki, si. Celle-ci, c'est pas un combat, Nyama, non, non, c'est un coup de belly. On fout le feu, pas besoin d'essence, j'prends le micro, donc monte belly. Y'a rien, y'a que l'homme qui a peur, beaucoup, les bonnes années, vu que Botelli. Ta peau n'est pas du tout customisée, non, elle est chocorisée. T'as pas kické sur track, MC, bah ouais, t'es pas autorisé. Perso, j'ai pas entendu d'avoir du buzz, négro, pour serrer des belles. La journée, j'bosse pour nourrir. La mi fait soir, j'en sautais ma pelle. Chegué, chegué, chancé, le copain, basson, la jam, ma brique et feuille, fais-moi 22. Fais-moi 22. 2015 et 4, tu me 243, ma tongue et tu m'yama, ma sa fin de. Ma sa flotte, haute, couture, Gucci, LV, Jean Franco Ferré. Étranger en mission 2, on fait flipper vos rappeurs préférés. J'rappe si j'suis possédé, on t'envoie des gros xeutés. Ceci est un coup de CP, soir ce, j'baisse Marie-Jeanne Polonais. Je fais plus la diff entre l'homme et la femme car mes tantes sont barbues. Bosse pour la mif, vente de la cam, ma banane se reverra au parlu. Le dièse obèse comme Pépé Calé. Où est passé le coupé décalé? J'ai toujours la tête d'un Sénégalais. L'inspiration vient de loin où tu es balé. Ma daronne fait plus de bif, ton dealer, elle picrave du carreau live. Comme beauté, salam, salam, c'est 1000 E la dédicace. J'ai pas attendu, la vie est belle pour vivre comme un poindou. Les êtres rares qui restent fidèles. Dehors y'a tout n'bando. J'vais tout cette Guinée sur du Yamado. Mata mon colon qui est de Yamado. Tout ce que je sais, tout ce que je sais, je râle pour prendre mon petit. Si je sais, je suis hâte. Allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mousse. Bosse pour nourrir la mousse. Tout ce que je sais, je râle pour prendre mon petit. Si je sais, je suis hâte. Allez dire à la police, je bosse pour nourrir la mousse. Masta, masta, masta, masta, que des billets tout verts. Que des billets tout verts. Venu manger, imbécile. Pose l'assiette et les couverts. Encore une fois, j'ai répondu à l'annonce de monsieur Mobutu. C'est con. Si t'es pas dans le track, c'est t'as dormi. La faute à la mousse, c'est con. Remix étranger en service. Je sais tes matchs. Sortez les tournevis. Le feu du 100-7. Biatch. Mon buton sent le choco. Parce qu'il y a blanchiment. Car le volet, je mets du coco. Pour un drive-by gentiment. Keba, comment te dire. Mamanayo, monsieur l'agent. Plein de Zaïrois dans le game. Chez Koula, je ferai toujours de l'argent. Bandaji, les Massinayo, Logombe, Limete. Kitambo, mon gaffou, la Lembanga, Bama, Tete. C'est pour tirer la boue de la bouche de mes gosses. On va tous vous maltraiter. J'rappe ça en Paris by night. Pana qui n'est pas sauté, pana. Chambonga qui se bat, n'est-ce pas? Maman, pardon, nanana, zo, baïnois. C'est péché, Koula, c'est notre technique.

à toutes mes locas, à toutes mes locas, à toutes mes locas, à toutes mes locas. Même si t'as tourné, t'es mal loca. Pas de manière, si tu me plais, j'y vais à l'audace. Excusez-moi. Racienne américaine, quelle que soit ta couleur ou tes origines. Africaine à Guatemala, je les rends malades, elle me voit dans les magazines. Je pilote trop vite, pour elle, elle en a des mots de cœur. Loca, ne viens pas me remémorer telle ou telle fleur. Ce soir, t'es la reine qu'il manquait dans ma Royal Cantlush. Et je fais voler les billets pour narguer l'inspecteur. Je fais jaillir le champagne pendant qu'elle twerk. Je fais jaillir le champagne pendant qu'elle twerk. Pendant qu'elle twerk, toc toc toc, ça frappe à la porte. Elle pense que c'est la police. Loca, sois forte, c'était seulement le fleuriste. Je passe les rapports et le banc a resté chevelisse. C'est que je suis so hard, no cap lice à l'insomnie. Je viens te délivrer, j'ai ce qu'il te manque. Qu'est-ce que tu dirais de faire le tour du monde? Je viens te délivrer, j'ai ce qu'il te manque. Ma bimbo loca, t'as besoin d'un vrai loco. Ma bimbo loca, t'as besoin d'un vrai loco. Je suis dans la Lamborghini, j'ai la money, je suis venu. Ma bimbo loca, t'as besoin d'un vrai loco. Je suis dans la Lamborghini, j'ai la money, je suis venu te délivrer, j'ai ce qu'il te manque. Ma bimbo loca, t'as besoin d'un vrai loco. D'un vrai loco. Vas-y, envoie la prod. Wesh les rappeurs, bien ou quoi? Bien ou quoi? Ça va chauffer pour vos petites fesses. Ramenez du talc. 2015, je suis de retour. Rien qui parle, ça me désole, c'est pas des hommes, moi c'est bien moi, le DZ qui t'est traîné sur le sol. Je donne les ordres, mes scores par énorme, mes bigots sont baisés, pas sûr que d'ici tu ressors. Si les forces de l'ordre me délogent, envoyez de la bonne zèbre à mon petit refrain vol. Je m'endors sous d'un père, car mon ordre dort sous terre, ma fuck que bigot y'a rien dans le corps. Deux bacs dans la voiture, donc un dans la nature. Trois bigots en filature, il s'agit d'une inestimable peinture. On fait partie de ces physiques ingrats que la solitude a condamné sur l'asphalte. Viens pas m'importuner si ta pute s'est tatouée High Slam si sur la chasse. XV baby de PIP. De la drogue t'as les Pays-Bas. Je rends visite à mes ennemis calibrés. Sans avoir inhalé de Pays-Bas. Je veux sortir mes types de la street. Mais j'ai pas le public d'Inamoja. Je vais pas m'éterniser, je connais la suite. Et je ne vendrai pas mon âme au diable. Assolant c'est rythmique tellement assolant que t'aimerais voir nos peaux s'éclaircir. Assombri génétique d'un vrai assailleur, on me surnommera Ice Lam. Si me désire-t-elle pour ce que je suis. Me désire-t-elle pour ce que j'ai. L'oubli d'aller dans ses barésies. Elle se servira de ce que j'aime. Je sors du bâtiment 17 armé dans ma 10. Je suis pas qu'un artiste ouvrisé sur la A10. La volaille est hors piste, l'heure que je laisse élargisse. Tellement de buzz que je baisse la boulangère et la factrice. Je neutralise guerre, je les traumatise. Bref, je fais les meilleurs mixtapes. C'est plus un mystère, triangulaire hémisphère. Prolifère les business, les rappeurs attrapent mes chevilles sur l'échelle de Richter. Ice sur le marbre du living. Ice assassin face au miroir. J'inspire à la victoire depuis le vinyle. Suite de luxe, leasing sont dérisoires. Azul Panam, c'est devenu Palerme. La dictature du paraître, la drogue dure, la piche, le nez palais. Le goût du sang sur le palais. Planète rap. 100% rap français. Gratter sans feuille tout dans la tête. Mon hip hop, ça c'est la coutume. Galère en patin bloc avec un pote, ça c'est la coutume. Nos vies sous une enveloppe pour un chèque, ça c'est la coutume. Rappeur, il te croit bête, analphabète, ça c'est la coutume. Il n'aime pas trop nos propos quand on apporte une vérité qu'il nous cache. Aller au clash, ça les importune. Je sais qu'il flippe, là ma peur, ça c'est la coutume. Arrachez tous vos masques, on va tous crever. C'est la coutume. Je vais être honnête, ma coutume. Y'a pas d'amour sans haine, alors souffrir sera ma coutume. Tu cours après la thune, l'amertume sera ta coutume. Tu cours après la blonde, après la brune, après le costume. Faut que j'en accostume, rime c'est ma coutume. Mes vrais potos le savent, y'a que la musique qui m'accoutume. Passe-moi une plume de poète trempé dans l'alcool. Que l'abs un peu libère comme une comète, faut que je m'envole. Si t'es libre, lève ton poing en l'air. Ils veulent nous contrôler, mais qu'ils aillent tous niquer leur mère. Pas compris ce qui fait d'air. Quand on a rien, on se bat. Un stade révolutionnaire. Dans ce monde c'est la coutume. Y'a que le vice qui paye. Le courage ne fait plus fortune. Tu connais